Audiomatique. La transmission 096 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet québécois Millimétrique mené par Pascal Asselin. Nous entendions la pièce Rêve brumeux autour de Lana Del Rey qu'on peut trouver sur son plus récent album Fog Dreams, paru ce printemps en vinyle et en cassette pour ceux qui aiment les formats physiques et bien sûr en numérique pour ceux qui préfèrent les éléments binaires. Les électronistes qui ont l'immense plaisir de vous accueillir à cette transmission 096 d'Audiomatique. Nous vous invitons à nous écrire pour peu importe la raison à l'adresse audiomaticcfou@gmail.com car nous sommes ouverts aux commentaires, suggestions et même aux critiques puisque nous sommes conscients qu'en nous exposant dans l'espace public que constituent les ondes radiophoniques, nous prêtons le flanc à la critique. Nous sommes très conscients que nous, et par extension Audiomatique, sommes critiquables. Le simple fait qu'Audiomatic soit restrictif par la nature de la musique présentée dans le cadre de sa transmission est en soi questionnable et critiquable. Nous le savons. Le fait que la musique entendue à Audiomatic ne soit qu'électronique peut en déranger certains. Nous avons fait le choix de n'explorer que le répertoire de la musique électronique et nous assumons ce choix. Par contre, nous respectons les critiques qui trouvent que ce choix est limitatif et nous respectons aussi ceux qui clament haut et fort que la musique électronique est dénuée d'intérêt pour des raisons qui peuvent être discutables, mais qui peuvent être valides et pertinentes pour l'auditeur. Après tout, les goûts ne sont-ils pas tous dans la nature? Toutefois, lorsqu'on nous affirme que la musique électronique est froide et dénuée d'émotion, nous n'abandonnons pas notre respect envers l'interlocuteur, mais nous exprimons fermement notre désaccord. Chaque composition présentée à Audiomatic, à ce que nous sachions, n'est pas un audiomate qui existe sans l'intervention humaine. Chacune des pièces qui est entendue à Audiomatic a été créée par un musicien en chair et en os qui se laisse guider par son inspiration. Si un auditeur ne ressent pas d'émotion à l'écoute de la musique électronique ou tout autre genre, soit dit en passant, ce n'est pas parce que la musique est dépourvue d'émotion, mais simplement parce que l'auditeur en question n'est pas touché par l'œuvre qui lui est soumise. C'est comme lorsque vous discutez avec un de vos collègues de travail qui vous raconte sa fin de semaine passée au chalet à faire du ski nautique et du deltaplane. Il se peut que vous ne soyez pas du tout interpellé par ce que votre collègue vous raconte et que ses péripéties vous laissent complètement indifférent. Affirmerez-vous alors que votre collègue est froid et n'a pas d'émotion? Il en est de même pour la musique électronique ou pour n'importe quelle autre chose en fait. Une sculpture de pierre ou une roche à son état brut peut générer des orgasmes émotionnels chez les personnes qui sont enclines à se laisser émouvoir par un sujet pareil. Nous n'avons pas à vous rappeler que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, vous avez le droit de ne pas apprécier la musique électronique. Vous avez aussi le droit de ne pas être ému lorsque vous écoutez de la musique électronique. Mais vous ne pouvez en aucun temps prétendre que la musique électronique n'a pas d'émotion, surtout à Audiomatic. just underwater. I remember you asked me. Maybe we were drunk. Maybe we were just underwater. I remember you asked me. Yeah. Audiomatic, nous entendions la musique du duo torontois Micro Bunny, formé de Tamara Williamson et Dal Okada, anciens membres fondateurs du groupe canadien King Cobb Steely. Ils nous interprétaient la chanson 20 CCs of DWS de leur premier album homonyme. Précédemment à Micro Bunny, il s'agissait de Steve Fisk, producteur et ingénieur de son américain qui a travaillé avec, entre autres, Screaming Trees, Soundgarden, Nirvana, Low, The Posies, Soul Coughing et Negative Land, pour ne nommer que ceux-là, en plus de faire partie des groupes Pêle-Mêle et Pigeonhead. Ici, on entendait une pièce qu'il a composée en solo et qui s'intitule Where's the Fire, parue sur l'album 999 Levels of Undo. Et pour débuter, le duo montréalais Deadly Boulevard, qui incarne la collaboration entre Martin Ferguson et Bernard Lafontaine, nous interprétait la pièce titre de leur album Giallo, que vous pouvez télécharger en vous rendant sur leur profil Bandcamp au Deadly Boulevard, deadlyblvd.bandcamp.com. Si vous appréciez la musique de Deadly Boulevard, je vous conseille fortement un de leurs projets parallèles, soit Edelweiss. Vous pouvez en découvrir davantage au Edelweiss, edelweiss.bandcamp.com. Allons-y maintenant avec un remix que Chris and Cozy nous offre de la pièce I Am Eternity, originellement composée par la formation Attrition. Thank you. and walked away from this human skin. I asked the earth to open up the sky. I asked the earth to open up the sky, to get inside and live with me for life. We'll be right back. tout juste avant la fracture publicitaire, nous entendions la défunte formation Coil. Défunte, puisque ses deux principaux artisans le sont aussi, soit John Balance et Peter Christopherson. La pièce que nous avons écoutée, soit Heaven's Blade, se trouve sur une parution posthume de Coil qui se nomme Backwards. Il s'agit de pièces enregistrées entre 92 et 96 dans le studio de Nothing Records en Nouvelle-Orléans. Cet album n'est jamais paru comme tel, mais certaines pièces se sont retrouvées dans des versions totalement différentes sur l'album The New Backwards, qui, lui, est sorti en 2008. L'album posthume Backwards se présente donc comme une œuvre inachevée de Coil, mais non moins dénudée d'intérêt pour le profane. Et avant Coil, nous écoutions Attrition, une version de la pièce I Am Eternity, retravaillée par le duo Chris and Cozy, composé de Chris Carter et de Fanny Cozy Tutti. Cette pièce, cette version, en fait, se trouve sur l'album The Hand That Feeds, qui regroupe une série de pièces d'Attrition tirées de plusieurs albums et remixées par différents artistes. La continuité musicale sera assurée cette fois par JF Lemieux à Audiomatic. Say we're all wrong and Cette séquence musicale se terminait avec le duo allemand Buckshade, formé de Walter Merzinger et Arnaud Kammermayer. Nous entendions la pièce-titre de leur album The Sun and the Neon Light, lancé en 2008. Tout juste avant Buckshade, nous avions droit au quatuor canadien Fidgetal et leur composition de Getaway, tirée de leur album Spyglass. Et pour introduire ce bloc, il s'agissait de J.F. Lemieux, bassiste et multi-instrumentiste montréalais, qui a travaillé entre autres avec Jean Leloup, Steve Hill, Joran, Daniel Bélanger, Ariane Moffat et Sarah McLachlan. En 2002, il faisait paraître un premier album solo intitulé Superstar System, et de cet album, nous écoutions la chanson Just to Say. C'est sur une note plus expérimentale et, disons-le, sur des sonorités industrielles dans le sens pur du terme que se terminera cette transmission 096 d'Audiomatique. Nous entendrons le duo islandais Gjoll et sa pièce de Drunk Giant tirée de l'album Nor to Lead, Nor to Follow, paru en 2007. Les électronistes qui vous remercient sincèrement de votre attention et de votre sens critique, nous serons de retour mercredi prochain à 17h pour vous présenter la transmission 097 d'Audiomatique. D'ici là, vous pouvez nous écrire à l'adresse audiomaticcfou@commercial.com et vous pouvez visiter notre profil facebook.com/audiomaticcfou pour entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado diffusion. Voici donc Joel et la pièce de Drunk Giant. Bonne écoute et ne vous en faites pas, vos speakers ne sont pas défectueux. Bonne semaine!